fuck off, moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey, libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air, hey. De l'Ariane à Saint-Lévis, à Constantin, à Constantin, à Saint-Lévis, Constantin, à Constantin, à Saint-Lévis, Constantin fucking deux. Et vive le rock libre! Sexta-feira à noite, bebendo na praça! Bebendo na praça. Sir, bienvenue tout le monde à cette 528e émission de Sky Panka en ce vendredi 13 juin. Wow, vendredi 13. J'espère que c'est que notre ami Adrien a pas trop passé en dessous de certaines échelles ou n'a pas trop croisé de chat noir, car c'est un vendredi 13. Quoi que pour un punk, voir un chat noir, c'est correct, hein, ça marche avec la musique, là. Hey, tout le monde, c'était Reject avec la pièce Gerald. Reject pour la gang du Brésil, les amis de Johnny. Allez, Johnny! Fait que c'est ça, les Reject, ça, c'est une formation qui nous vient du Brésil, d'un de mes amis internet, qui s'appelle Johnny. Et cet extrait de leur album, au Reject, qui s'appelle... Falar versus ouvrir. Sûrement que mon accent portugais doit être à chier, j'imagine. Mais bon, quand même, très bon album. Si vous ne connaissez pas la formation Reject, c'est vraiment un très bon groupe. Oi et punk du Brésil. Il mixe vraiment très bien à la fois le oi et le punk, puis avec des petites touches de ska, justement comme dans la pièce qu'on a entendue, qui est la pièce d'ouverture de leur album. Pièce dont je vous rappelle le nom, Gerald. Et maintenant, on commence avec deux autres nouveautés. Tout d'abord, Action Sédition avec la pièce Histoire d'un printemps, qui parle d'un certain printemps érable où le Québec s'est réveillé pour se réendormir plus tard en réalisant le Parti libéral. Maudit qu'on fait dur. Alors ça, c'est extrait de leur split qu'ils viennent de faire avec le groupe Anarcho-Ska-Punk Spanner qui nous viennent de Grande-Bretagne. Donc, le titre du split, c'est History Lesson, qui vient tout juste de sortir sur l'étiquette Tribal Time Record. Et pour Action Sédition, on va entendre justement Histoire de printemps. Par la suite, ben, on va entendre Spanner avec une de leurs nouveautés, Always Anti-Fascist, extrait bien sûr du même split. Et puis après ça, bien, tu sais, récemment, j'ai rippé plusieurs vinyles, plusieurs 7 pouces surtout, dont justement la pièce Hate Us de Prowlers, qui est extrait du 7 pouces portant le nom de Hate Us. Et puis, ben, c'est ça. Alors, allons-y sans plus tarder avec Action Sédition et leur nouveauté, Histoire d'un printemps, pour tous ceux qui ont fièrement porté pour une seconde fois le Carré Rouge qu'on avait sorti nous autres en 2005-2006. Puis, c'est vrai qu'en 2011, on l'a bien porté, ouais. Mais bon, ça a l'air qu'on n'a pas fini d'être carré dans le rouge au Québec, parce que, ouais, on est pogné avec 4-5 ans de Parti libéral. Allez, Histoire d'un printemps, d'Action Sédition, sans plus tarder, à Skypunka. Si vous ne connaissez pas Action Sédition, comment c'est certain que vous les connaissez, car c'est vraiment un très bon groupe montant dans le Oi montréalais. contre le changement passerait par une élection. The many ways to beat the fascists and push back their advance. will never accept the rights of the right of fascists on our streets. And we won't follow leaders on the long road to defeat. In every fallen comrade, we will never forget. Not that we forget the rages go to destroy the fascist threat. The Prowlers avec Hate Us, un extrait du 7 pouces portant le même nom. Deux pièces avant ça, on a eu Action Sédition avec Histoire d'un printemps, ainsi que Spanner avec la pièce Always Anti-Fascist. Deux nouvelles compositions de ces deux groupes-là, extraits d'un même split portant le nom de History Lesson. Que vous pouvez retrouver depuis tout récemment, là, il y a de cela sur Rebel Time Record. Donc le split avec Action Sédition et Spanner. vous rappelle le nom, History Lesson, disponible depuis genre cette semaine sur Rebel Time Record. Très bon album, disponible en 7 pouces. Puis sinon, ben, en version MP3 aussi, allez faire un tour sur le site de Rebel Time Record, c'est disponible. Et vraiment, 4 bonnes pièces de 2 très bons groupes, Action Sédition de Montréal et Spanner qui nous viennent d'Angleterre. Et puis, ben c'est ça. Maintenant, on continue encore avec une autre nouveauté. La formation qui mélange à la fois, je vous dirais, moi, le ska punk et la musique du monde, Ascultura, avec la chanson Saut. Ascultura qui nous vient des États-Unis, mais c'est un groupe pas juste composé d'États-Uniens. Tu sais, il y a des Français, il y a des personnes qui viennent d'un petit peu partout là-bas, surtout il y a des pays latins. Bref, en tout cas, je vais vous présenter une de leurs toutes nouvelles compositions qui paraîtra sur leur prochain album. Pour l'instant, c'est en single, la chanson Saut, Antifa Football Hooligan, pour justement, tu sais, la grosse fièvre du football qui se passe de ces temps-ci avec ce qui est en train de se passer au Brésil, justement, présentement, là, avec les gros tournois de football. Toujours est-il que le Brésil pouvait-tu justement se permettre ça? C'est pas le pays le plus riche au monde. Puis là, ben, ils construisent des stades alors que leur population crève de faim. C'est quand même une espèce de dilemme, ça. La pièce Saut Antifa Football Hooligan, vous allez pouvoir retrouver ça sur l'album qui portera le nom de Inferno Laundry Room 5 Master et qui sortira très prochainement. Sur l'étiquette portant le nom de Rusty Knife Record, ça vient de la France. Et puis après Ascultura, vous aurez un autre groupe français, les Clébards. Ça, c'est ma découverte de la semaine. J'ai découvert ça cette semaine sur Internet. Il y en a un qui a comme posté ça. Et puis là, j'entends ça, je dis, je connais pas ça, mais c'est vraiment bon. C'est du folk punk. Peut-être, bon, on pourrait peut-être même dire du chansonnier français à tendance punk. C'est très bon, en tout cas, très engagé aussi. On va entendre la chanson Chien errant, extrait de l'album portant le nom de Histoire de trottoir. Et puis, après ça, on va rester en France avec Kroska et la pièce Danse Flamme, extrait de leur mini-album portant le nom de L'appel de la Hoye, qui est sorti, eux autres aussi, sur l'étiquette Rusty Knife Record il y a peu de temps. Donc, allons-y, sans plus tarder, avec Ascultura et la pièce Saut, Antifa Football Hooligan, pour tous les hooligans de gauche. Allez, on y va, sortez votre vodka et buvez comme des malades. Qui se tapane pour ask you, hey, hey. Qui se tapane pour ask you, hey, hey, hey, yeah. Here we come to your town, gonna move that pit around. So, qui se tapane pour ask you, hey, hey. Qui se tapane pour ask you, hey, hey, hey, yeah. Here we come to your town, gonna move that pit around. Gracias Dios por el culto y por Maradona, por esas lágrimas. Hey, hey, hey,

Écoutez toujours Sky Panka sur les ondes de Cifou, la radio campus de Trois-Rivières. Et au cours de dernière minute, on a entendu la nouveauté de Ascultura, la chanson Sout, qui, oui, Sout Antifa Football Hooligan, qui est une du temps qui a décidé de faire un hymne Antifa Hooligan pour ceux qui supportent le football ou le soccer si vous aimez mieux. Puis après ça, on avait eu les Clébards avec Chien Rang, ainsi que Kroska avec Danse Flamme, extrait de leur mini-album portant le nom de L'Appel de la Hoye. C'est vraiment bon ça, Kroska. On dirait un mélange de Hoye Antifa avec du Total Chaos. Puis je vous dirais même côté style, on dirait ça aussi. Bref, ouais, très bon ça, Kroska. Ouais, j'en ai écouté plus un petit peu cette semaine, puis ça vous tente d'aller voir sur YouTube. Il y a quand même pas mal d'affaires sur le groupe Kroska sur YouTube. Allez voir ça pour le fun, vous serez pas déçus. Surtout une de leurs tunes qui m'a vraiment fait rire, la pièce. Je l'ai pas par contre en MP3, là, mais ça m'a vraiment fait rire. La chanson Trisomie 88. Bref, ça arrive vraiment du monde qui sont racistes, parce qu'en leur disant que franchement, faut vraiment être cave. En 2014 pour être raciste. Ouais. En tout cas, allez voir ça, c'est très bon, la formation Kroska. Bon, là, On va y aller encore avec une autre nouveauté, mais on tombe dans un bloc assez porno-punk, avec justement un groupe qui nous représente bien à ce niveau-là pour le Québec, The Horny Bitches, qui viennent de sortir un nouvel album. Et laissez-moi vous dire qu'ils n'ont pas perdu, mettons, de leur identité très crue, autant que les rectums de Trois-Rivières sont crus dans leurs paroles, autant que The Horny Bitches le sont aussi. Sauf qu'ils chantent en anglais, tu sais, ils gardent une certaine distance, c'est peut-être un petit peu pour, tu sais, pour s'éloigner de leurs paroles un petit peu trop crues. Mais bref, on va entendre une de leurs nouvelles pièces, In Cock We Trust. Donc on peut voir que, tu sais, pour eux autres, là, ouais, on sait c'est quoi, un homme pour eux autres, hein, c'est juste une queue. Bon. Oh non. Vraiment, en tout cas, sérieusement, est vraiment très bon le nouvel album, The Horny Bitches. J'ai oublié leur titre parce qu'ils me l'ont envoyé en version MP3. J'ai mieux le noter pour la prochaine fois. Mais de toute façon, comme je vous en passais plusieurs morceaux, il est bon de A à Z avec des chansons toujours aussi crues. Donc, ouais, c'est très, très bon. Et ça va justement très bien fitter avec le prochain groupe que nous aurons après ça. Nobodies avec Young Blood and Dub, qui va s'enchaîner tant qu'à y être avec la chanson Piece of Ass. Après ça, ben là, on va tomber dans une chanson quand même un petit peu moins pire, question parole, là, The Queers avec Another Girl, extrait du dernier album qu'ils avaient fait avec leur drummer d'origine, Hugh, qui est mort d'un cancer, extrait de leur album Don't Back Down. Donc ça a vraiment été le dernier album du trio d'origine là, des Queers. Après ça, il y a eu plusieurs changements, là. Mais Don't Back Down, si jamais vous aimez The Queers et vous n'avez pas Don't Back Down, ben il vous manque le meilleur album. Et puis, après ça, eh bien, nous aurons Bruce Willis avec la pièce Big Fat Tit Veronica. Ça, c'est un groupe qui donne dans le surf punk. Et leur album porte le nom de Nerp by the Zircon. Donc, allons-y sans plus tarder avec The Horny Bitches et la pièce In Cock We Trust. Et voyons l'heure qui est rendue là, mais il va y avoir trois autres pièces de punk que je vous dirai c'est quoi plus tard. Go! What the fuck is wrong with the world today? well, she says she'll always be too. When any guy will do, you should have seen him, she just blew. And then she tries to tell you she loves you. Whoa, whoa, I've seen her type before, don't want to see her anymore. You gotta leave her behind and find another girl. You know she'll only bring you hurt, make you feel like a jerk. She'll spend your money while you work and wear her lingerie for other guys. Don't wanna see her anymore. You gotta leave her behind and find another girl. Someone to spend a little time. Why don't you leave that girl behind? You gotta leave her behind and find another girl. Well, she says she'll always be too. When any guy will do, you should have seen her, she just blew. And then she tries to tell you she loves you. Whoa, whoa, I've seen her type before, don't wanna see her anymore. You gotta leave her behind and find another girl. Someone to spend a little time, why don't you leave that girl behind? You gotta leave her behind and find another girl. Allez, on continue sans plus tarder avec Guérilla Poubelle et la pièce La Révolution pour les lâches qui s'enchaînera avec Progéniture d'ordure Voyons. Et avec les ordures ioniques et leur version de la pièce Progéniture d'ordure, qui est extrait, bien sûr, de leur album portant le nom de Les ordures s'en viennent sous, ou une affaire comme ça. Moi. Oui, c'est ça, les autres. Non, je m'en viens sous. Très bon titre d'album, ça. Et puis, après ça, eh bien, René Binamé avec Ciao 16 coups. Mais, comme j'ai dit tantôt, tout juste avant ça, on y va avec les Guérilla Poubelles, qui, eux, seront bientôt en spectacle au Québec au cours du mois de juillet pendant une méchante bande, je pense, pendant les trois premières semaines du mois de juillet. Donc, sérieusement, ils seront ici un bon bout de temps. Et puis là, comme je l'ai dit tantôt, on y va avec la Révolution pour les lâches, extrait de « Il faut repeindre le monde en noir ». ma messie, il faut que je cheeseburger. J'ai le droit de tout acheter sous l'œil des caméras. Je profite de ma liberté sous la protection des vigiles. Entre deux partenaires virtuels, je caresse ma souris. Entre deux étreintes digitales, mes doigts sont sur la touche. J'ai le droit de me masturber devant mon moniteur. J'en profite pour décompresser entre deux potations. Entre deux zones naturelles, je sors dans la grisaille. Entre deux zones de loisirs, laquelle est la plus glauque? J'ai le droit de faire la navette sur les autoroutes à péage. De faire la queue pendant des heures dans les embouteillages. J'ai ma place dans les flux tendus, parmi les camions, les remords. Charriant ces tonnes de marchandises qui nous réduisent à la survie. Dépendre de la conjoncture, mais avec un peu de bonne volonté, ce gouvernement s'en sortira. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors, vous écoutez toujours Sky Panka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et avant le bloc de publicité, on a eu Guérilla Poubelle avec Révolution pour les lâches. Les ordures ioniques avec leur version de progéniture d'ordures produit par les bons à rien dans les années fin 90. Et après ça, on avait eu René Binamé avec Ciao 16 coups. René Binamé qui sont. Ouais, qui sont avec de venir jouer au Québec. Là. Ils s'en viennent bientôt, eux autres aussi. Il y a plein de bons groupes qui s'en viennent. Là. C'est vraiment 2014, là, c'est vraiment une méchante bonne année pour le punk et le oi au Québec. En parlant de punk et de oi, ben en tout cas, le prochain bloc sera composé tout d'abord d'un bon vieux groupe punk québécois que j'ai déterré des boulamites chez moi. Ça m'arrive des fois de faire ça. Les bons à rien avec les enfants de Duplessis pour tous les victimes de Maurice Duplessis. Donc ceux qui ont été obligés d'aller vivre dans des orphelinats à l'époque de Maurice parce qu'ils n'avaient tout simplement plus de parents puis que là on les envoyait dans des orphelinats où ils se faisaient violer par des curés qui eux autres en tout cas avaient on dirait pas grand chose à faire à part de faire ça. Ouais, triste histoire. C'est paru ça sur l'album Advienne que pourri. Après ça, Impact, bon vieux groupe Oi de Montréal avec la pièce À tous mes camarades, extrait de Légende urbaine. Par la suite, nous allons tomber dans le reggae avec Judge Dredd et Bring Back of the Skin, extrait d'une de ses compilations portant le nom de The Collection. Puis après ça, question de rester dans des vieilles affaires. Eh bien, General Rudy et la version française de la pièce Jezebel, qui est totalement, par contre, son opposé. Car Jezebel, c'est une méchante fille. Mais en français, ils ont appelé la pièce « Elle est ma chérie ». Ouais. C'est que ça fitait plus, question, mettons, rime et pour tout le reste. Mais sinon, la pièce Jezebel et « Elle est ma chérie », ouais, ils ont le même beat. Oui, tu sais, les rimes fitent au bon endroit. Sauf que c'est tout le contraire de ce qu'il dit à propos de la fille dans la version de Jezebel. Mais là, on entend la version française qui est « Elle est ma chérie », extrait de l'album « Touton, le Québec en monte une ». C'est en fait, c'était la première compilation Toutong québécoise de ska en francophone sortie, ça, je m'en allais dire, début année 2000, là, mais en tout cas, j'arrive pas à trouver la date, là. Et c'est ça. Donc, go! Allez, on y va tout de suite, immédiatement, avec les bons à rien et les enfants de Duplessis!

chérie. Waouh, je l'ai aperçu seul hier soir, j'ai dû lui parler. Elle était si mignonne et si charmante, je me suis approché. Elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh. Elle m'a dit que j'étais son bien-aimé, et elle et moi pour toujours. Je la vois du matin jusqu'au soir, mais seule je passe le jour. Elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh. Mais je l'aime tellement, et je suis fou d'amour. Je crois bien que c'est pour le vrai, car elle est si mignonne. Elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh, elle est ma chérie, waouh. General Rudy avec la pièce Elle est ma chérie, extrait du premier volume de la compilation Le Québec. Non, tout on le Québec en montagne, ouais, c'était ça. Et puis, si on recule de deux pièces avant ça, même de trois pièces avant ça, on avait tout d'abord Les Bons à Rien avec Les Enfants de Duplessis, ainsi que Impact avec Tous mes camarades et Judge Dredd avec Bring Back of the Skin. Maintenant, on enchaîne sans plus tarder avec Bon Vivant et la pièce portant le nom de La Faute des Autres, extrait de leur mini-album portant le titre de 206, écrit à la main avec une pochette faite à la main, dont l'original doit avoir sûrement été fait au fusain, j'imagine, parce que les couleurs sont pas mal pastel, disons. Et donc, c'est ça. Après Bon Vivant, nous aurons The Undertone avec Here Comes the Summer, la version originale, et ça sera suivi des Gutter Demon avec une de leurs pièces quand même assez rares, se retrouvant sur le 7 pouces de Human Remain, la pièce The Wild One. Donc, allons-y dès l'instant avec Bon Vivant et la pièce La Faute des Autres. Wow! Ouais, on va y aller avec la bonne faute des autres. Alors, vous écoutez toujours Sky Punka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et tout juste avant le bloc de publicité, on a eu Bon Vivant avec La Faute des Autres, The Undertone avec Here Come the Summer, ainsi que les Gutter Demon avec The Wild One. Je m'étais trompé pour la provenance de l'album de cette chanson-là. Parce que j'avais envie de faire jouer une des pièces qui se retrouvait sur le EP Human Remain, mais finalement ça fitait pas avec The Undertone. Et c'était pour ça que j'avais fait jouer justement la pièce The Wild One, plutôt que j'ai programmé cette pièce-là. Bref, pièce que vous pouvez retrouver sur l'album Misery, Madness and Murder Lullaby, qui a été le dernier album enregistré par les Gutter Demon. Les Gutter Demon sont de retour présentement depuis début 2014 ou fin 2013. Bref, si vous les avez pas vus dans le temps, ben là maintenant, vu qu'ils font un retour, ça serait peut-être le temps d'aller les voir, car c'est vraiment, avec The Brains, là, pas mal la meilleure formation psychobilly montréalaise, on pourrait dire québécoise, là, voire même canadienne. En tout cas, pour les avoir vus souvent à l'époque, je peux vous dire que les Gutter Demon, ça déménage en show. Et là, oui, je serais dû moi aussi pour aller les revoir. Il me semble qu'un bon show des Gutter Demon, là, ça décoiffe. Maintenant, on s'en va en ska avec un groupe qui sera bientôt en spectacle dans le coin de Drummondville lors d'un festival que je vais commencer à vous parler de ça à partir de la semaine prochaine. Il y a un gros festival qui s'en vient de ska, de punk, de skate punk, de hardcore dans le coin de Drummondville. Là. Ça va valoir la peine d'aller voir ça. En plus, c'est pas cher. Vraiment pas. Là. Bref, je commence à vous en parler au courant de la semaine prochaine. Alors, pour Big Din de Kid Table, on va avoir un de leurs bons vieux classiques, In Front of Me. Par la suite, nous aurons le groupe allemand Mascapone avec The Roots, qui sera suivi des Planet Smashers avec Waiting for the Sunset, une de leurs toutes nouvelles compositions, extrait de l'album Mixes Messages. Et nous terminerons le prochain bloc avec Road City Riot et la pièce 25 Years. Allez, allons-y immédiatement avec Big D and the Kid Table in front of me. On dirait que j'ai Doudou in front of me qui me fait des signes. Elle est de l'eau rentre tout vert. One-on-one, I think your pocket is good. disco sky. The ruins of the music made a long time ago on an island of Jamaica in the 50s it was born. And the music is the sky, sky. This is all about, this is all about the ruins of our music. This is all about, this is all about the ruins. Can't forward, roots in the right, the rasping clash, I tell you. My mind's foggy, it's still groggy. In the gas station at midnight I proclaimed, City Riot avec la pièce 25 Years, extrait de l'album Nothing But Time. Et en parlant de Nothing But Time, il est rendu le temps de se quitter. Et aujourd'hui, on va se quitter avec quoi? Ben, on se quitte en oeil avec Bishop Green et The Crow, Buddha Bulldozer et Québec City pour toute la gang de oeil de Québec. Et puis après ça, on va finir le tout en beauté avec Lion's Law de France avec la chanson City Streets, extrait de leur album portant le nom de A Day Will Come. Sur ce, bye bye. Et à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Punka, toujours entre 21h et 23h depuis septembre 2013. Et pour les amateurs des bonnets rouges, n'oubliez pas qu'Adrien est maintenant rendu le lundi entre 19h et 20h, et que s'il n'était pas ici ce soir, ce méchant Soulon de Breton, c'est qu'il était trop crevé d'avoir déménagé plein de choses. Fait qu'Adrien, continue à boire, là, faut que tu te reposes, là. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde! Et d'ici là, continue d'écouter du punk et de penser qu'un jour un monde libre existera. Bye bye! We'll be right back. There's no one here for your side.